Activité 8. Bonjour, c'est Madame Vielle. Alors, pour votre voyage mardi prochain, votre vol est à 18h30. Un taxi va venir vous chercher au bureau à 15h30. Le numéro de la réservation est le 184. N'oubliez pas de demander une facture au chauffeur de taxi. Mercredi matin à 9h30, vous avez rendez-vous avec Monsieur Le Gall, le directeur commercial, pour visiter l'entreprise. L'après-midi, vous aurez une réunion avec le service comptabilité. Et le soir, Monsieur Le Gall vous emmènera dîner au restaurant. Je vous donne le numéro de téléphone de Monsieur Le Gall, 06 07 80 30 22. Bon voyage !